De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Comme chaque semaine, nous avons le plaisir de retrouver Noémie. Bonjour. Bonjour Yves. De l'huile dans les rouages, votre rendez-vous pour mieux communiquer avec les adultes, avec les enfants, au boulot, partout. La semaine dernière, on a parlé de l'estime de soi. Il y avait beaucoup de choses à dire. On continue cette fois-ci avec la CNV. Oui, alors on a dit l'estime de soi, c'est un super outil aussi pour prévenir les violences éducatives. Donc prenez aussi bien soin de vous, renforcez votre estime de vous-même et faites attention à aussi bien nourrir celle de vos enfants dans la mesure de possible. Et donc là, une petite vigilance à avoir sur ce qui s'appelle les étiquettes. Tu sais ce que c'est qu'une étiquette ? Alors je vois c'est quoi une étiquette, mais peut-être pas dans le contexte que tu vas nous évoquer. Et oui, bah, mettre une étiquette sur quelqu'un. Oui, ça je vois. Un tel, alors là, j'en sais rien Yves, peut-être on t'a déjà dit, bah, Yves, oh là là, je sais pas, qu'est-ce qu'il était en l'air, c'est comme ça, c'est Yves. Voilà. Ou même des étiquettes positives. Oh là là, cette personne, qu'est-ce qu'elle est intelligente, elle est balèze en maths ou des choses comme ça. Et en vrai, une étiquette, c'est un jugement qui peut être positif ou négatif, mais qui va influencer notre regard et qui va aussi influencer le comportement de la personne à qui on le donne. Donc nous, on a des biais cognitifs qui font qu'on va voir que les choses qui vont dans ce sens-là. Mmh. Et inconsciemment, la personne va finir par se comporter comme cette étiquette-là. D'accord. On va se laisser influencer par cette étiquette. Ouais. En fait. Et ça, c'est complètement mesuré. C'est-à-dire, quand j'ai appris à être maîtresse d'école, à la fac, on m'a parlé de l'effet Pygmalion. Si un prof croit en un élève et il est persuadé qu'il est bon en maths, s'il l'était pas, il va le devenir. Et inversement, si je crois que toutes les filles, par exemple, sont forcément nulles en maths, eh ben, mon comportement va induire qu'elles vont avoir des mauvaises notes et elles vont plus souvent échouer. C'est hyper fort comme phénomène. Donc, c'est très enfermant pour les gens. Alors comment on en sort de ces étiquettes ? Sortir de ces étiquettes, il y a un outil de la CNV que j'aime beaucoup, c'est l'expression factuelle, l'observation neutre objective. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on a vu un enfant de 4 ans renverser 2 fois dans la journée son verre, on va dire « Ah, il est maladroit ». Et après, on va rester là-dessus « Ah, qu'est-ce qu'il est maladroit ?» En fait, Arthur a renversé 2 fois son verre dans la journée. Et c'était quand la dernière fois qu'il a renversé son verre ? Donc, être attentif à qu'est-ce qui est objectif, à quelle est la fréquence des actions qui peuvent justifier qu'on ait un jugement comme ça. Est-ce que parce qu'une fois, Brigitte est arrivée en retard à un rendez-vous médical, que c'est fait d'elle quelqu'un, je sais pas, de tête en l'air, irrespectueux, mal organisé, alors que c'est une fois sur 6 mois. Donc là, l'outil de la CNV que je recommande d'utiliser, c'est au lieu de dire à un enfant « Oh, qu'est-ce que t'es maladroit ?»« Oh, ben je vois que t'as fait tomber ton verre. Oh, ben mince alors !» Et puis, au lieu de crier dessus, violence éducative, on va lui dire, bah, tu viens, on va ramasser ensemble, je vais t'expliquer comment on ramasse, et puis c'est OK. Alors peut-être que ça va avoir aussi des conséquences, du style être en retard après l'activité suivante. Et là, il n'y a pas besoin de punir en fait. Il a nettoyé, il a assumé les conséquences, et après, ben, il est en retard à la suite. C'est déjà une punition. Par exemple, il a moins profité des activités, si c'est à l'école maternelle, d'art plastique d'après, ben, ça a duré moins longtemps parce que voilà, c'est arrivé quoi. Et là, le message, il est clair. Oui, alors, le message clair, super transition, il était trop fort. Le message clair, on en a déjà parlé dans une de nos séquences, c'est combiner les faits, les émotions et les besoins. Ça permet de sortir du jugement. Et un message clair, on l'a déjà utilisé, toi et moi, dans des contextes plutôt désagréables, mais le message clair positif, il a une puissance géniale. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Oh, qu'est-ce qu'il est généreux » ou « Qu'est-ce qu'il est gentil ?» Ça, c'est hyper flou. Par contre, quand je dis à un enfant ou à une personne, ah ben, quand tu mets la table sans que je t'ai demandé de le faire, fais. Je suis soulagée et fière. Émotion. Parce que là, tu remplis mon besoin de confiance, d'autonomie, de coopération. Donc là, vous n'imaginez pas l'effet que ça fait sur le cerveau. Quand je fais des ateliers et que je demande à des équipes entre elles de se remercier, mais en rattachant à un fait précis, c'est hyper renforçant sur le comportement. Et donc, ça, c'est vraiment une vertu. Donc, par exemple, je suis maman. Tiens, quand tu m'as fait un câlin hier soir en me disant « je t'aime », le fait, ça m'a rempli mon besoin d'amour et de douceur. Besoin. J'ai pas fait les 3 trucs, j'en ai fait que 2, mais déjà là, je suis en train de dire à mon enfant comment il peut faire pour renforcer un besoin chez moi qui est important. Eh bien, vous qui nous écoutez, je vous invite à mettre en application dès ce week-end ou quel que soit le moment où vous nous écoutez, les bons conseils de Noémie. Et il y a plein d'autres bons conseils dans toutes les chroniques que tu nous proposes chaque semaine. Merci. De l'huile dans les rouages. On te retrouve aussi sur le site internet Les Outils de Noémie. Oui. Et sur les réseaux sociaux partout. Oh oui, surtout Insta, on va dire. Surtout Insta. Merci infiniment, Noémie. Merci. On parlera de quoi la prochaine fois ? La prochaine fois, on parlera du vocabulaire de la tristesse. On va encore s'entraîner à trouver plein de façons de dire qu'on est triste pour mieux apaiser cette émotion et l'accueillir. Parfait. À bientôt. À bientôt.